Chapitre 19e. Frédéric ne s'était pas mépris sur le semblant de concession que lui avait fait Adeline en ne donnant pas immédiatement sa démission. Ce n'était pas parce qu'il renonçait à son idée que le président retardait cette démission, c'était parce qu'il voulait obtenir auparavant le nom de ce joueur. Pour qui le connaissait, le doute n'était pas possible, et Frédéric commençait à bien le connaître. Le danger était donc menaçant. Comment l'empêcher d'éclater ? La question était assez grave pour qu'il ne voulût pas prendre la responsabilité de l'examiner et de la trancher tout seul. C'est entre associés qu'elle devait se décider. Au lieu de s'occuper du joueur, aussitôt qu'Adeline fut partie, il alla prendre Barthelas chez lui et le conduisit chez Raphaël. Le joueur en verrait plus tard. Mais le conseil ne put pas s'ouvrir tout de suite, Raphaël recevant en ce moment même la visite de M. de Chelus. Elle se prolongea cette visite et plus d'une fois Barthelas crut que Frédéric, dont l'impatience et le mécontentement étaient visibles, allait le quitter pour rompre ce tête-à-tête. À la fin, M. de Chelus voulut bien partir et Raphaël entra dans le petit salon où ils attendaient. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle, inquiète de les voir. Ce fut Frédéric qui expliqua ce qu'il y avait et ce qui les amenait. Dans leur association, Raphaël joue le rôle de l'associé qui rend les autres responsables de tout ce qui va mal et porte à son avoir tout ce qui va bien. « Il est joli le résultat de votre séquence, » dit-elle en se tournant vers Barthelas. « Ce n'est pas la séquence qui le fait donner sa démission, puisqu'il a attendu jusqu'à maintenant. Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle ne l'a pas retenue, vous le voyez. Et pour moi, il n'est pas du tout prouvé que ce n'est pas votre séquence qui décide la démission qu'il balançait, et qu'il aurait sans doute balancé longtemps encore. Pourquoi aussi lui avez-vous fourni des coups si gros, des 8, des 9 ? Ne pouvait-il pas gagner avec des points moins forts qui n'auraient pas provoqué la surprise ? J'ai voulu empêcher des hésitations de tirage, ce qui avec lui était possible, puisqu'il taillait sans savoir qu'il devait gagner. Quand on est d'accord avec le banquier, on fait ce qu'on veut, mais ce n'était pas le cas. Et puis il me semblait qu'il n'était pas mauvais, qu'il se sentit un peu compromis. Et voilà le résultat, il s'est si bien senti compromis qu'il s'en va. Barthelas secoua la tête par un geste énergique. « C'est justement parce qu'il ne s'est pas senti assez compromis qu'il s'en va, » s'écria-t-il. « S'il avait voulu qu'il ne pouvait aller nulle part, il serait resté avec nous. Ça, c'est une idée. Et une bonne, encore. Enfin, il s'en va, » dit Frédéric, pour prévenir une discussion inutile. « Eh bien zut !» s'écria Raphaël. « Il nous embêtait à la fin. »« C'est comme ça que tu le prends ?» fit Frédéric étonné. « Faut-il s'en faire mourir ? Il est devenu si hargneux qu'on ne pouvait plus vivre avec lui. » « Ce n'est pas là la question, » fit Frédéric. « Il s'agit de savoir si nous pourrons vivre sans lui et comment ?» fit Barthelas. « Nous le remplacerons par un autre, » dit Raphaël. « Il n'y a pas qu'un président au monde, j'y ai pensé. »« Il n'y en a pas beaucoup d'aussi bons que celui-là, » dit Barthelas. « Et où vois-tu cet autre ?» demanda Frédéric. « À la chambre. »« Ce n'est pas M. de Chalus. »« Au contraire, c'est lui, et c'est pour cela que je l'ai fait venir. »« Je lui ai inventé une belle histoire, et il accepte si Adeline se retire. » On va nous tomber sur le dos, et il ne pourra pas nous défendre. Pourquoi ne le pourra-t-il pas ? On se montre souvent plus complaisant pour ses adversaires que pour ses amis. C'est la raison qui m'a fait penser à M. de Chelus quand j'ai vu qu'un jour ou l'autre le puchotier nous manquerait. Et voilà pourquoi je l'ai fait venir. J'ajoute, pour vous mettre de belle humeur, qu'il se contentera de 12 000 francs au lieu des 36 000 que nous coûte le puchotier. Je lui dis que c'était parce que nous ne pouvions plus payer cette somme qu'Adeline se retirait. « J'aime mieux Adeline à 36 000 francs que Chelus à 12 000 », dit Barthelas. « Il ne s'agit pas de ce que vous aimez mieux, il s'agit de ce qui est possible. Adeline est mort, vive Chelus !»« Êtes-vous sûr qu'il soit si mort que ça ?» interrompit Barthelas. « Malheureusement, » répondit Frédéric. « Voulez-vous me laisser essayer de le faire vivre encore ?» demanda Barthelas. « Ne dites pas de bêtises !» répliqua Raphaël. « Enfin, voulez-vous que j'essaye ? Pour vous, il est perdu, n'est-ce pas ? Assurément. Et cela vous tourmente ?» Vous seriez tous les deux bien aise qu'il restât notre président, parbleu. Eh bien, laissez-moi faire. Quoi ? Vous verrez. Puisqu'il est perdu, il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas ? Si je réussis, il reste. Si au contraire j'échoue, il ne s'en ira pas deux fois. Une discussion s'engagea entre eux. Raphaël était agacé de voir Barthelas, qu'elle considérait comme un parfait imbécile, faire l'important. Et de plus, sa curiosité s'exaspérait qu'il ne voulut pas dire par quel moyen. Il comptait amener Adeline à ne pas donner sa démission. « Ce que vous allez faire de bêtises, » dit-elle au moment où il partait, « C'est bon, nous verrons. » Il ne voulut pas davantage s'expliquer avec Frédéric en revenant au cercle. « Puisque nous ne risquons rien, laissez-moi faire. » Dans ces conditions, Frédéric n'avait qu'à chercher le nom qu'Adeline lui avait demandé, mais ce fut inutilement. Ce joueur était-il venu avec une lettre d'invitation, car ces lettres continuaient à être largement distribuées un peu partout. Avait-il été amené par quelqu'un qui s'était dispensé de la formalité du registre? Toujours est-il qu'on ne trouva rien. Aussi, quand Adeline arriva vers 1 heure, Frédéric se contenta-t-il de répondre simplement qu'il comptait avoir ce nom dans la soirée. Il n'y avait pas 5 minutes qu'Adeline était dans son cabinet quand Bartelas frappa la porte et entra. « Puis-je vous dire quelques mots, monsieur le président ?» Adeline voulut répondre qu'il était occupé, puis il se résigna, se disant qu'il aurait plutôt fait d'écouter que d'éconduire Bartelas, dont il connaissait la ténacité. « Monsieur le président, » dit Bartelas en s'asseyant, « me permettrez-vous de vous demander si un bruit qu'on m'a rapporté est fondé? Est-il vrai que vous seriez dans l'intention de donner votre démission ?»« Oui, c'est vrai. » « Et pourquoi je vous le demande, si vous le permettez ?»« Parce qu'il se passe ici des choses qui ne peuvent pas convenir à un honnête homme. » Bartelas prit son ton le plus bonhomme, le plus insinuant. « J'ai beaucoup voyagé, monsieur le président, et dans mes voyages, j'ai entendu un mot qui m'a frappé. C'est que la conscience est une méchante bête qui arme l'homme contre lui-même. Ne seriez-vous pas mordu par cette vilaine bête, je vous le demande ?» Le premier mouvement d'Adeline fut de mettre Bartelas à la porte. Mais il réfléchit qu'un entretien qui commençait de la sorte pouvait lui apprendre des choses qu'il avait intérêt à connaître, et il se retint, décidé à écouter jusqu'au bout. « Voyez-vous, monsieur le président, » continua Bartelas, « on a les plus fausses idées sur le jeu. Qu'est-ce que le jeu, je vous le demande ? Une affaire d'adresse, rien de plus. Ceux qui sont adroits gagnent, ceux qui sont maladroits perdent. Ainsi, moi, si je n'avais pas été adroit, est-ce que j'aurais gagné les 2 millions qui composent ma petite fortune ? Je vous le demande. » Qu'est-ce que j'étais dans ma jeunesse? Un pauvre diable de lutteur, sans autre avenir que de me faire casser une côte de temps en temps, ou les reins un beau jour, et de mourir sur la paille. J'ai regardé autour de moi pour chercher si je ne pourrais pas trouver mieux. J'allais beaucoup au café, dans les petits cercles, la profession veut ça. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que les gagnants au jeu étaient ceux qui avaient de l'adresse, qui savaient filer la carte pour dire les choses. Alors, je me suis demandé ce que c'était qu'un voleur. Et après avoir réfléchi, je me suis répondu que l'homme qui gagne de l'argent sans travail, sans peine, sans études, était un voleur, et qu'il méritait ce nom, justement. Mais que celui, au contraire, qui gagnait cet argent par son adresse, son industrie et son art, ne pouvait jamais être un voleur. Bartelas fit une pause et étudia sur le visage de son président l'effet qu'avait pu produire ce début. « Continuez, » dit Adeline. Se voyant encouragé, Bartelas, qui jusque-là avait cherché ses mots, s'exprima plus librement et plus vite. Sûr de ne pas me tromper, je me suis mis au travail. Tout en continuant mon métier de lutteur, tous les soirs, je me faisais les doigts sur une meule d'oculiste, car je n'avais pas, vous le pensez bien, les doigts doux d'un pianiste. Et la nuit, dans ma petite chambre, je m'essayais à filer la carte et sans lumière encore, car ce qui est difficile, c'est d'opérer sans bruit. Vous le savez comme moi, on ne voit pas filer la carte, on l'entend, et dans l'obscurité, je ne pouvais pas me monter le cou. Mes oreilles m'avertissaient. Pendant 2 ans, je n'ai pas dormi 4 heures par nuit. À la fin, le bon Dieu a récompensé ma persévérance. Je ne m'entendais plus. C'était au moment de la guerre de Crimée. J'avais amassé un peu d'argent. Je me suis embarqué à Marseille, pour Constantinople, sur un vapeur qui portait des officiers. Nous n'étions pas en mer depuis 12 heures, qu'on s'ennuyait ferme. On a joué pour se distraire. C'était mon début. Je puis dire, sans me vanter, qu'il a été heureux. Les officiers avaient la bourse garnie pour la campagne. À Constantinople, je gagnais 10 000 francs. Aussitôt, je me suis rembarqué pour la France. Il y avait aussi des officiers à bord qui rentraient en convalescence, et s'ils avaient moins d'argent que leurs camarades, ils en avaient cependant un peu, qu'ils perdirent. J'ai fait ainsi 10 voyages, et ça a été le commencement de mon petit avoir. « Où voulez-vous en venir ?» murmura Adeline qui se tenait à 4 pour ne pas éclater. « À ceci. Je suppose que vous jouez 100 000 francs, toute votre fortune, vous en perdrez 90 000. Il vous reste 10 000, vous allez les jouer, c'est la vie de votre famille que vous risquez, c'est votre honneur. Vous êtes bien ému, n'est-ce pas? Autrement, vous ne seriez pas un bon père et vous en êtes un. À ce moment, une petite fée se penche à votre oreille et vous dit « Tu vas te piquer avec une épingle et te faire un peu de mal. Mais tu vas gagner ces 10 000 francs et les 90 000 que tu as perdus. Et ainsi, tu vas sauver ta famille, ton honneur, tu vas être un bon père. Qu'est-ce que vous feriez ? Adeline ne se contenait plus, mais Bartelas lui ferma la bouche avec son meilleur sourire. « Ne me répondez pas. Vous vous feriez un peu de mal, vous vous piqueriez. Eh bien, souffrez cette petite piqûre désagréable, j'en conviens, et laissez la petite fée, qui est moi, agir. Dans 6 mois, vous aurez gagné 300 000 francs, et dans 1 an, vous aurez votre petit million, avec lequel vous assurez le bonheur de votre fille, qui est une si charmante demoiselle. Hein ? Qu'en dites-vous ? Adeline étouffait d'indignation. « Vous avez déjà commencé votre rôle de fée, dit-il. Une simple petite politesse, une prévenance, pour vous montrer ce qu'on peut faire dans ce genre. Mais ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. Vous verrez mieux que cela. » « Et c'est d'accord avec monsieur de Mussidan ? Il ne fait rien sans moi. Je ne fais rien sans lui. Hein ?» Ce cri troubla Bartelas, qui jusque-là avait pris l'indignation d'Adeline pour l'embarras d'un homme qui n'aime pas qu'on lui parle en face de certaines choses. Aussi avait-il évité de le regarder pendant la fin de son discours. Que signifiait ce cri ? Est-ce qu'il se fâchait, le président ? « Envoyez-moi, monsieur de Mussidan, dit Adeline, c'est à lui que je répondrai. Mais envoyez-moi, monsieur de Mussidan. » Bartelas sortit, assez inquiet. Frédéric n'était pas loin. « Eh bien, je ne sais pas trop. Ça a bien commencé, puis ça paraît se fâcher. Il est incompréhensible, cet homme. Au reste, il va s'expliquer avec vous. Il vous demande. » Frédéric entra dans le cabinet et trouva Adeline le visage convulsé. « Le misérable a tout dit !» s'écria Adeline les poings levés. « Vous, un Mussidan, vous avez fait de moi un voleur !» Frédéric resta un moment décontenancé, puis se remettant. « Voleur, pourquoi voleur ? Est-ce que je lis à des voleurs ?